تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Ces messagers dont nous avons favorisé certains par rapport à d'autres, il en est ainsi parmi eux à qui Allah parla, et il éleva en degré certains d'entre eux plus que d'autres, et nous avions donné à Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, l'épreuve évidente, la révélation et les miracles, de même que nous l'avions assisté et raffermi par le Saint-Esprit, l'ange Jibril, Gabriel, lors des moments les plus difficiles. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Et si Allah avait voulu, les gens qui vécurent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves leur aient été apportées. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. Mais cela ne fut que la conséquence de leur discorde, car certains parmi eux crurent en ces messagers, tandis que d'autres mécrurent en eux. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Mais si Allah avait voulu, il ne se serait jamais entretué. Cependant qu'Allah fait ce qu'il veut. Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'atun wal kafiruna humud dhalimun. Ô vous les croyants, dépensez en aumône de ce que nous vous avons accordé avant que ne vienne un jour lors duquel il ne sera plus possible de se racheter et durant lequel il n'y aura ni amitié ni intercession le jour de la résurrection. Et ce sont les mécréants qui sont les véritables injustes. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part lui. Al-hayyul qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. لا تأخذه سنة ولا نوم. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. له ما في السماوات وما في الأرض. À lui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Qui parmi les gens pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Il connaît certainement leur passé et leur avenir, et les gens n'acquièrent de sa science que ce qu'il leur permet d'acquérir. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Et son trône s'étend au-dessus des cieux et de la terre, dont la préservation ne lui coûte aucune peine, et il est Al-Aliyul Azim, le très haut, l'immense. La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Nulle contrainte en religion, car la vérité et la droiture ont certes été distinguées du faux et de l'égarement. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Quiconque donc aura renié et mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et aura eu la foi en Allah aura assurément saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Wallahu sami'un alim. Et Allah est audient et omniscient. Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Quant à ceux qui ne croient pas, leurs alliés sont leurs fausses divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah, qu'ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Voilà les gens destinés au feu de l'enfer où ils y demeureront éternellement. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. N'as-tu pas été informé du roi de Babylonie, Némrod, qui du fait qu'Allah lui avait accordé la royauté, engagea un débat avec Ibrahim, Abraham, au sujet de son Seigneur. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ibrahim lui dit ainsi, mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. قال أنا أحيي وأميت. Nemrod lui rétorqua, moi aussi je fais vivre et mourir en laissant certaines personnes en vie et en ordonnant que d'autres se fassent tuer. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Ibrahim lui dit alors, Allah fait certes venir le soleil par l'Orient, fais-le donc se lever par l'Occident. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Nemrod le mécréant reste ainsi consterné, incapable de lui répliquer. Et Allah ne guide certainement pas les gens injustes. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Ou bien encore l'histoire de celui qui passa par un village désert en ruine et qui s'interrogea comment Allah pourrait-il redonner vie à tout ceci. Allah le fit alors mourir et le laissa ainsi pendant 100 ans, puis il le ramena à la vie. Il lui dit ensuite, combien de temps es-tu resté ainsi? L'homme répondit, je suis resté un jour ou une partie d'un jour. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. Allah lui dit alors, mais non, tu es plutôt resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien d'elle n'a pourri. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. Et regarde maintenant ce qui reste de ton âne. Nous allons faire de toi aujourd'hui un signe pour les gens. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Regarde donc ces ossements, comment nous les rassemblons puis les revêtons de chair. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Puis une fois que l'âne fut ressuscité et devant l'évidence, l'homme dit, je sais désormais qu'Allah est omnipotent. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Et quand Ibrahim dit, mon Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah lui dit alors, aurais-tu un quelconque doute à ce sujet? Ibrahim répondit, aucunement, mais j'aimerais juste que mon cœur soit apaisé. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Allah lui dit ainsi, prends donc quatre oiseaux et apprivoise-les. Puis une fois que cela sera fait, tue-les et découpe-les en morceaux et dispose-les par fragments séparés le haut de plusieurs montagnes. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi rapidement et sache qu'Allah est puissant et sage. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont à l'image d'une graine qui donne naissance à 7 épis, chacun d'entre eux contenant 100 grains. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. C'est ainsi qu'Allah multiplie la récompense à qui il veut, et Allah fait don de sa grâce avec largesse, et il est savant de toutes choses. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui donnent leurs biens en aumône dans le sentier d'Allah, sans en informer les gens, ni le rappeler aux personnes à qui ils les donnent, leur faisant ainsi du tort, leur récompense sera auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés au jour de la résurrection. Le fait de dire une bonne parole ou de pardonner à quelqu'un est meilleur que de faire une aumône qui est suivie d'un préjudice. والله غني حليم. Et Allah se suffit à lui-même de par sa richesse et il est indulgent. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Ô vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes en faisant part de vos dons généreux aux gens ou en causant du tort à ceux à qui vous les aurez donnés en le leur rappelant. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. à l'instar de celui qui dépense de ses biens par ostentation devant les gens, sans avoir la foi en Allah, ainsi qu'au jour dernier. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Car celui-là est en réalité tel un rocher qui était recouvert de terre, puis qui fut mis à nu au passage d'une violente averse. De pareilles personnes ne tireront aucun profit de leurs œuvres dans l'au-delà. Wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Et Allah ne guide assurément pas les gens mécréants. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. Et ceux qui dépensent de leurs biens, recherchant à travers cela l'agrément d'Allah, de même qu'à fortifier leur foi, sont semblables à un jardin situé sur une colline en altitude, qu'une averse atteignit et que cela fit doubler le nombre de ses fruits. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ou à défaut d'une averse, que cela soit dû à une brume, et Allah voit parfaitement ce que vous faites. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. L'un de vous aimerait-il posséder un jardin de dattiers et de vignes à travers lequel coulent des ruisseaux? له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Et qui donne toutes sortes d'autres fruits, puis que, alors qu'il a atteint l'âge de vieillesse, tandis que ses enfants sont encore trop jeunes et incapables de s'en occuper, une tornade de feu s'abat sur son jardin et le brûle entièrement. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces signes, afin que vous méditiez et réfléchissiez dessus. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Ô vous qui croyez, dépensez de vos meilleurs gains ainsi que de ce que nous faisons sortir de la terre pour vous comme récolte. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Et ne vous tournez pas vers ce que vous possédez de plus mauvais et vil pour faire vos dons d'aumône que vous-même n'accepteriez qu'en détournant le regard par mépris et mécontentement. Et sachez qu'Allah se suffit à lui-même de par sa richesse et qu'il est digne de louange. Le diable vous fait craindre que vous ne tombiez dans le besoin ou la pauvreté en donnant de vos biens, de même qu'il vous incite à accomplir des péchés et des actes grossiers. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tandis qu'Allah vous promet un pardon venant de sa part et une grande faveur. Wallahu wasi'un 'alim. Et Allah fait don de sa grâce avec largesse et il est savant de toutes choses. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Il donne sa sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse aura été donnée, ce sera vraiment là un immense bienfait qui lui aura été accordé. وما يذكر إلا أولو الألباب. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rendent véritablement compte. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Et il n'y a point d'aumône que vous donniez, ni de vœux pieux que vous puissiez faire sans qu'Allah en ait connaissance. وما للظالمين من أنصار. Et au jour du jugement dernier, les injustes n'auront aucun secoureur. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Si vous faites vos dons d'aumône ouvertement à la vue des gens, nul doute que ceci est un bien. Mais si vous le faisiez plus discrètement et les dissimuliez en les donnant précisément aux pauvres, cela sera encore meilleur pour vous. En conséquence de quoi Allah effacera une partie de vos méfaits et Allah est clairvoyant, parfaitement connaisseur de ce que vous faites. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Cela ne dépend pas de toi que les gens soient guidés, ô toi Muhammad, mais cette affaire ne revient qu'à Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez dans le bien en aumône sera à votre avantage dans l'au-delà. Et il vous incombe de ne rechercher à travers vos dons que la face d'Allah et son agrément. Et tout ce que vous dépensez par charité vous le sera pleinement rendu le jour des comptes, et vous ne serez point lésés. Et les aumônes sont destinées aux nécessiteux, comme ceux qui se sont exilés vers une terre d'islam dans le sentier d'Allah, puis se retrouvent confinés dans leur demeure, faute de pouvoir partir en quête de leur subsistance, et que celui qui ignore leur véritable situation présume qu'ils sont nullement dans le besoin de par leur abstinence à demander quoi que ce soit à autrui. Ainsi sont-ils particulièrement reconnaissables du fait qu'ils n'importent une personne en mendiant. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Et tout ce que vous dépensez dans de bonnes œuvres, Allah le sait parfaitement. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent de leurs biens en aumône, de nuit comme de jour, secrètement ou publiquement, leur récompense est assurément auprès de leur Seigneur. Nulle peur pour eux au jour de la résurrection, et ils ne seront point attristés. Ceux qui pratiquent l'intérêt usuraire et profitent de cet argent ne se tiendront après la résurrection que comme se tient celui que Shaitan, le diable, touche de son mal en le bouleversant et lui dérangeant l'esprit, et marcheront ainsi en titubant et en ne cessant de trébucher. Cela, parce qu'ils auront jadis dit, le commerce est semblable à l'intérêt en termes de compensation et de gain. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et interdit l'intérêt. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Celui donc à qui sera parvenue une exhortation venant de la part de son Seigneur, puis y aura renoncé, pourra conserver ce qu'il aura acquis antérieurement, et son jugement dans l'au-delà relèvera d'Allah. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mais quant à ceux qui auront récidivé, ils feront alors partie des gens de l'enfer où ils y demeureront éternellement. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah anéantit l'intérêt usuraire, tandis qu'il fait fructifier les aumônes, et Allah n'aime certainement pas le mécréant pécheur. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes, ceux qui ont la foi, accomplissent des bonnes œuvres, observent la prière et s'acquittent de l'aumône obligatoire, obtiendront leur récompense auprès de leur Seigneur. Et nulle crainte pour eux le jour de la reddition des comptes, et ils ne seront point affligés. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à ce qui reste impayé de l'intérêt usuraire, résultant des crédits qui ont été contractés auprès de vous, si vraiment vous êtes croyants. Et si vous ne vous exécutez pas, préparez-vous alors à une guerre de la part d'Allah et de son messager. En revanche, si vous vous repentez, il vous sera permis de garder vos capitaux. Vous ne léserez ainsi personne, tout comme vous ne serez point lésés. Et si celui qui aura contracté une dette auprès de vous peine à vous rembourser, accordez-lui donc un délai jusqu'à ce qu'il soit en mesure de s'acquitter de sa dette. وَأَنْتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais si vous lui en faites grâce par charité de votre part, sachez alors que cela est bien meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Et redoutez un jour, durant lequel vous serez tous ramenés vers Allah et comparaîtrez devant lui. Chaque âme sera alors pleinement rétribuée, selon ce qu'elle aura acquis de son vivant, sans subir la moindre injustice. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Ô vous qui croyez, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit et qu'un rédacteur l'écrive entre vous avec fidélité. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Et que celui à qui il a été demandé de rédiger la reconnaissance de dette ne refuse point de l'écrire en signe de remerciement envers Allah, lui qui lui a enseigné l'écriture, qu'il écrive donc, et que le débiteur qui prête l'argent dicte au rédacteur le contenu de la reconnaissance de dette, et que ce dernier craigne son Seigneur et se garde d'omettre de mentionner quoi que ce soit qui lui aura été dicté. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. Et si le débiteur serait dépensier, irresponsable ou dans l'incapacité de dicter lui-même au rédacteur, que son représentant légal dicte à sa place en toute honnêteté. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Puis prenez à témoin deux personnes parmi les hommes. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Ou à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes parmi celles dont vous agréez le témoignage, de sorte que si l'une d'elles aurait oublié le fait qu'elle ait témoigné, l'autre le lui rappellera. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. Et que ceux qui sont sollicités pour être les témoins ne refusent point. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. Et ne vous lassez pas de mettre par écrit vos reconnaissances de dette, quel que soit le montant, petit ou grand, en mentionnant clairement l'échéance. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. Cette façon de procéder est plus équitable auprès d'Allah, de même qu'elle renforce et confère plus d'autorité à vos témoignages, et est aussi plus susceptible d'écarter tout doute, à moins qu'il ne s'agisse d'un simple commerce dont la marchandise serait présente avec vous. Auquel cas, il n'y aurait aucun mal à ce que vous ne la consigniez pas par écrit. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. Sinon, faites toujours appel à des témoins lors de vos transactions, et qu'il ne soit fait aucun tort à ceux qui auront été sollicités pour rédiger vos contrats ou pour témoigner. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. Et si vous viendrez alors causer un quelconque tort, sachez alors que cela constituerait un acte de perversité manifeste de votre part. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Et craignez Allah. De cette façon, Allah vous enseignera, car Allah est savant de toutes choses. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Mais si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez personne pour mettre à l'écrit vos contrats, alors une reconnaissance orale de la part de celui qui s'apprête à s'endetter suffira comme garantie pour le prêteur. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Et si l'un d'entre vous venait à confier un dépôt auprès d'un autre, en toute confiance que ce dernier le restitue à son propriétaire, le moment venu, et qu'il craigne Allah, son Seigneur. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Et prenez garde de vous abstenir d'apporter votre témoignage lorsque cela vous le sera demandé, puis si l'un d'entre vous viendrait malgré tout à le cacher, qu'il sache alors qu'il aura commis un abject péché en son âme et conscience. والله بما تعملون عليم. Et Allah est assurément savant de ce que vous faites. لله ما في السماوات وما في الأرض. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Et que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera sûrement compte le jour du jugement dernier. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Puis il pardonnera à qui il voudra et châtiera qui il voudra. والله على كل شيء قدير. Et Allah est capable de toutes choses. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Le messager Mohammed a cru en ce qu'on a fait descendre sur lui venant de son Seigneur, de même que les croyants, ses compagnons. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. لا نفرق بين أحد من رسله. Et ces derniers dirent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Puis ils dirent par la suite, nous avons entendu et obéi, nous implorons ton pardon, ô notre Seigneur, et c'est vers toi qu'est le retour. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah n'impose à une âme d'accomplir quelque chose que selon sa capacité. Elle sera ainsi récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Les compagnons du prophète dirent ainsi, Seigneur, ne nous en tiens pas rigueur s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ô notre Seigneur, ne nous accable pas d'un fardeau semblable à celui avec lequel tu as éprouvé ceux qui vécurent avant nous. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Ô Seigneur, et ne nous impose pas quelque chose que nous ne pouvons supporter. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Pardonne-nous, absous-nous nos péchés et fais-nous miséricorde. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tu es notre maître, fais-nous triompher sur les peuples mécréants. Sourate 3, Al-Imran, la famille de Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah, nulle divinité digne d'être adorée excepté lui. الحي القيوم le vivant celui qui subsiste par lui-même. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Il a fait descendre sur toi le livre céleste en toute vérité le Coran ô toi Muhammad confirmant les livres qui ont été descendus avant lui et il fit descendre at-Tawrah et al-Injil la Torah et les évangiles auparavant comme guidés pour les gens il a ainsi fait descendre le livre qui discerne le vrai du faux. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. Ceux donc qui ne croiront pas aux révélations et aux signes d'Allah subiront assurément un dur châtiment et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de venger pour qu'il l'aura mérité. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Certes, absolument rien n'échappe à Allah sur terre et dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les ventres de vos mères, comme il le veut. Point de divinité à part lui. Al-Aziz al-Hakim, le puissant, le sage. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui qui t'a révélé le Coran, ô toi Muhammad. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui en constituent la base, et il comporte également d'autres versets susceptibles de prêter à confusion. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ainsi, les gens dont le cœur penche vers l'égarement suivent et mettent l'accent sur ces versets équivoques, cherchant par là à semer les troubles et le désordre et à vouloir soi-disant leur trouver un sens. وما يعلم تأويله إلا الله. Alors que nul n'en connaît la véritable interprétation excepté Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Mais quant à ceux qui sont bien enracinés dans la science, ils se contentent de dire « Nous croyons en ce livre » sans faire de distinction entre ces versets, qu'ils soient clairs ou ambigus, car tout ce qu'ils renferment émane de notre Seigneur. Mais seuls les doués de raison s'en rappellent. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ceux-là même qui disent, Seigneur, ne délie pas nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous ta miséricorde, car c'est certes toi, Al-Wahhab, le grand donateur. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. Ô notre Seigneur, toi qui rassembleras assurément les gens, un jour sur lequel il n'y a aucun doute. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Certes, Allah ne manque jamais à sa promesse. Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la awladuhum min Allah shay'a. Quant à ceux qui ne croient pas en notre message, leurs biens et leurs enfants ne leur seront en rien profitables face à Allah le jour de la reddition des comptes. Et ceux-là seront du combustible pour le feu de l'enfer. À l'image du peuple de Pharaon et de ceux qui vécurent avant eux, ces derniers avaient en effet mécru en nos signes et en nos preuves. Allah les saisit alors de son châtiment à cause de leurs péchés. Et Allah est vraiment très dur en punition. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادَ. Dis, ô toi Muhammad, à ceux qui ne croient pas, vous serez bientôt vaincus, puis serez assurément précipités en masse dans la géhenne, et quel horrible lieu de repos. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا. Il y avait certes déjà eu pour vous, ô vous les mécréants, un signe dans l'affrontement des deux troupes lors de la bataille de Badr. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. L'une constituée de croyants qui combattaient dans le sentier d'Allah et l'autre composée de mécréants qui avaient vu les croyants de leurs propres yeux beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient en réalité. والله يؤيد بنصره من يشاء. Et Allah renforce de son secours qui il veut. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Il y a bel et bien en cela une leçon à tirer pour les doués de clairvoyance. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qui sont désirables dans ce bas monde. Parmi les femmes, les enfants, les trésors thésaurisés d'or et d'argent, les chevaux racés, de même que le bétail et les champs. ذلك متاع الحياة الدنيا. Tout ceci n'est en fait qu'objet de jouissance éphémère dans cette vie présente. Alors qu'il y a auprès d'Allah un excellent retour, bien meilleur que tout ceci.